Chapitre 14e. Mrs. Bold confie sa peine à son ami Miss Stanhope. Arrivée en face de la pelouse, Mrs. Bold commença à se demander ce qu'elle devait faire. Attendre que M. Slope la rejoignît, ou se mêler à la foule, les yeux encore baignés de larmes et le visage enflammé de colère. Certes, elle aurait pu rester là longtemps sans avoir à craindre d'être de nouveau poursuivie par M. Slope, mais la crainte grossit les moindres objets. Dans la disposition d'esprit où elle était, il n'y avait point de forfait dont elle ne le crût capable. Lui aurait-on dit, 8 jours avant, qu'il la prendrait à la taille à la fête de Yolathorn, elle ne l'aurait pas cru. Lui eût-on annoncé qu'on verrait le dimanche suivant ce personnage, en tunique rouge et en haute botte, se promener dans la grande rue de Barchester, qu'elle n'aurait point considéré cette métamorphose comme un phénomène plus invraisemblable. Et pourtant, cette inconvenance invraisemblable, il l'avait commise. Aussi n'y avait-il rien qu'elle n'attendît de lui. Il était évident d'abord qu'il avait bu, puisque toute sa dévotion n'était qu'hypocrisie, enfin que c'était un homme qu'aucune pudeur ne pouvait arrêter. Elle était donc là à écouter le bruit de ses pas, non sans crainte qu'il ne se glissât parmi les plantations pour la surprendre tout à coup. Cependant, elle vit à peu de distance Charlotte Stanhope, traversant vivement la pelouse. Essuyant ses larmes, elle courut la rejoindre. « Oh, Charlotte, » dit-elle, « que je suis heureuse de vous avoir trouvée. »« Heureuse de m'avoir trouvée, » dit Charlotte en riant. « Voilà une bonne plaisanterie. Bertie et moi, nous vous avons cherché partout. Il jure que vous êtes partie avec M. Slope, et il veut se pendre de dépit. Oh, Charlotte, ne plaisantez pas ainsi. »« Qu'y a-t-il donc, mon enfant ?» dit Miss Stanhope, sentant le bras de Charlotte trembler sur le sien, et la voyant presque suffoquée par les larmes. « Dieu du ciel, il vous est arrivé quelque chose. Qu'est-ce et que puis-je pour vous ?» Eleanor ne répondit que par un sanglot. Elle était bouleversée et ne pouvait reprendre possession d'elle-même. « Voyons, voyons, Mrs. Bold, venez par ici. On ne vous verra pas. Bertie et moi, pouvons-nous quelque chose pour vous ?»« Oh non !» dit Eleanor. « Il n'y a rien à faire. C'est seulement cet homme odieux. » « Quel homme odieux ?» demanda Charlotte. « Cet homme odieux, M. Slope. N'avez-vous donc pas vu qu'il m'a suivi depuis la salle à manger ?»« Oui, et j'en ai été contrarié, mais je ne pouvais l'en empêcher. Je savais bien que vous en seriez ennuyé. Mais Bertie et vous, vous n'avez pas su vous arranger. Ce n'était ni de sa faute ni de la mienne. Vous rappelez-vous combien j'étais fâché d'avoir à venir dans la même voiture que lui ?»« Je suis désolé, si c'est là ce qui a amené ce qui cause votre douleur. » « Je ne sais ce qui l'a amené, » dit Eleanor, recommençant à pleurer. « Mais ce n'a point été par ma faute. »« Mais qu'est-ce qui s'est donc passé, ma chère ?»« C'est un homme abominable, odieux, hypocrite, et il mériterait bien qu'on raconte à tout à l'évêque. »« Croyez-moi, si vous voulez lui faire du tort, c'est à Mrs. Proudie qu'il faudrait le raconter. »« Mais qu'a-t-il donc fait, Mrs. Bold ?»« Oh !» fit Eleanor. « Je reconnais, » dit Charlotte, « que ce n'est pas un homme charmant. »« Charmant ?» dit Eleanor. « Je n'ai jamais vu d'homme plus bassement flagorneur, plus abominable, plus dégoûtant. Pourquoi est-il venu à moi ? Je ne lui ai jamais donné le moindre encouragement. Je l'ai toujours détesté, quoique j'ai pris son parti quand je le voyais attaqué par d'autres. »« Voilà qui explique tout, ma chère. Il l'aura su et ce sera figuré que vous l'aimiez. » Les paroles de Charlotte furent amères à Eleanor. C'était justement ce que tous ses amis disaient depuis un mois. L'expérience lui a montré aujourd'hui la vérité. Aussi résolut-elle de laisser aller désormais le monde avec toutes ses vilainies, toutes ses iniquités, sans tenter une fois de plus de combattre pour la justice et la charité. « Mais qu'a-t-il fait, ma chère ?» demanda Charlotte, vivement intéressée. « Il... »« Eh bien voyons, ce n'a pas dû être si horrible, il n'était pas ivre. » « Oh, il l'était, certainement !»« Je ne l'avais pas remarqué, mais qu'a-t-il fait ?»« Je ne sais si j'oserais vous le dire. Il m'a dit des choses horribles, comme vous n'en avez jamais entendu, sur la religion, le ciel, l'amour. Oh, ma chère, quel homme dégoûtant !»« Je vois en effet ce qu'il a pu vous dire. Et après ?»« Et après, il m'a prise. »« Il vous a prise ?»« Oui, il s'est approché de moi et m'a prise. » »« Par la taille ?»« Oui !» dit Eleanor en frissonnant. « Et alors ?»« Alors j'ai fait un bond et je lui ai donné un soufflet. puis j'ai couru jusqu'au moment où je vous ai vu. Charlotte Stanhope rit de bon cœur en entendant le dénouement de la tragédie. Il lui était fort agréable d'apprendre que M. Slope en avait eu sur les oreilles. Elle ne saisissait pourtant pas bien le sentiment qui rendait si pénible à Eleanor le résultat de l'entrevue. Selon elle, tout l'avantage était pour Eleanor. Elle pourrait triompher parmi ses amis. À M. Slope reviendraient les plaisanteries que soulèverait naturellement une affaire de ce genre. Ses amis lui demanderaient si à la vue d'une veuve, les oreilles ne lui tintaient pas. On l'avertirait qu'il y a de belles choses que l'on peut regarder, mais auxquelles on ne doit pas toucher. Voilà comment Charlotte envisageait la situation. Mais pour le moment, elle ne voulait pas diminuer chez Eleanor l'horreur que lui inspirait M. Slope. Elle tenait à s'assurer l'amitié de Mrs. Bold. Aussi, après le rire du premier moment, elle s'empressa d'offrir à son amie sa sympathie. Bertie pouvait-il quelque chose pour elle? Bertie parlerait-il à cet homme et l'avertirait-il d'avoir à se conduire désormais plus décemment? Bertie, ajoutait-elle, ressentirait vivement l'insulte faite à Mrs. Bold. « Mais vous ne le lui direz pas, » dit Mrs. Bold avec effroi. « Non, si vous ne le voulez pas. Mais à bien considérer les choses, je vous conseillerais fortement de l'instruire. Si vous aviez un frère, ce serait inutile, mais il est bon que M. Slope sache que quelqu'un veut et peut vous protéger. « Mais mon père est ici. »« Sans doute, mais il est désagréable pour un prêtre de devoir se quereller avec un confrère. Et dans les circonstances actuelles, il serait fâcheux pour votre père qu'un éclat eût lieu entre lui et M. Slope. Assurément, Bertie et vous êtes assez intime pour que vous lui permettiez de prendre en main votre cause. » Charlotte Stanhope désirait vivement que son frère pût, ce jour-là, arranger avec Eleanor l'affaire du mariage. Les choses en étaient venues à ce point entre son père et lui, et entre lui et ses créanciers, qu'il lui fallait ou épouser Mrs. Bold, ou quitter Barchester pour retourner à sa misérable existence de Carrare. Son père le lui avait clairement donné à entendre. Il n'y avait donc pas de temps à perdre. Charlotte avait vu avec une impatience qu'elle pouvait à peine contenir l'apathie de son frère au moment où Eleanor quittait la salle à manger. Il était irritant de penser que M. Slope l'eût ainsi distancé. Pour elle, elle avait joué son rôle avec toute l'habileté possible. Elle avait mis son frère et Mrs. Bold en présence. Elle avait fait naître entre eux une intimité telle que son frère n'avait plus qu'à suivre la voie ouverte devant lui. Mrs. Bold avait évidemment un faible pour Bertie, qui, de son côté, n'avait plus rien à craindre de la rivalité de M. Slope. Il y avait assurément quelques risques à faire à Mrs. Bold de nouvelles propositions le même jour. Il aurait mieux valu, si cela avait été possible, différer la démarche d'une semaine encore. Mais on ne peut disposer à son gré des circonstances. Il fallait agir sans tarder. Cela étant, ne pouvait-on tirer avantage de l'affaire de M. Slope? Ne serait-ce pas un prétexte pour rendre plus étroites les relations entre Bertie et Mrs. Bold, un moyen de les amener enfin à se jeter dans les bras l'un de l'autre? Voilà le jeu que Charlotte résolut de jouer sans perdre de temps. Il le joua fort bien. D'abord, il fut arrangé que M. Slope ne retournerait pas à Barchester dans la voiture des Stanhope. M. Slope était d'ailleurs parti, mais naturellement elle ne le savait pas. On déciderait la signora à prendre les devants avec ses domestiques et sa sœur, et Bertie prendrait, dans le second voyage, la place de M. Slope. On raconterait toute l'affaire à Bertie sous le sceau du secret, et quand la voiture serait partie pour faire le premier voyage, Eleanor resterait sous la protection spéciale de Bertie pour être défendue de toute agression nouvelle de M. Slope. Tandis que l'on préparerait la voiture, Bertie chercherait ce gentleman et lui ferait comprendre qu'il avait à se pourvoir lui-même d'un autre moyen de retour à Barchester. Quant à présent, elle devait se mettre en quête de Bertie. Bertie, en un mot, était le Pégase sur les ailes duquel on devait sortir de la situation présente. Dans tout ceci, Charlotte montra une amitié, une cordialité bienveillante qui adoucit un peu la peine de la veuve. Mais si Eleanor se prêta aux combinaisons de son amie, ce fut un peu à contre-cœur et par nécessité. Certes, elle ne soupçonnait pas qu'après avoir tué un serpent, elle allait en voir un autre se dresser sur sa voie. Elle était loin de se douter qu'elle rencontrerait dans son protecteur un nouveau prétendant, mais elle n'aimait pas de se mettre si complètement dans les mains du jeune Stanhope. Elle sentait que c'était à son père qu'elle devait demander la protection dont elle avait besoin, que c'était à lui qu'elle devait demander une voiture pour la reconduire à Barchester. Elle savait d'ailleurs que Mrs. Clinton Trim lui donnerait une place dans la sienne. Elle savait qu'elle ne devait pas ainsi se jeter dans les bras d'amis dont l'amitié ne datait pour ainsi dire que d'hier. Et pourtant, elle ne pouvait répondre non à une personne qui lui montrait l'affection empressée d'une sœur, une sympathie chaude et cordiale. Elle accéda donc à toutes les propositions qui lui furent faites. Elles allèrent d'abord dans la salle à manger, à la recherche de leur champion, et de là, dans le salon. Là, elles trouvèrent M. Arabin assis, comme l'eût été un médecin, au chevet de la signora. Il était seul dans la pièce. Les convives étaient, les uns sous la tente, d'autres encore dans la salle à manger, quelques-uns au tir à l'arc. Le plus grand nombre se promenait avec Miss Thorne et regardait les jeux. Il est inutile de dire en détail tout ce qui s'était passé, tout ce qui se passait encore entre M. Arabin et la signora. Elle faisait avec lui ce qu'elle faisait avec les autres hommes. C'était en quelque sorte sa mission de se jouer des hommes, et elle accomplissait sa mission à l'égard de M. Arabin. Elle l'avait presque amené à avouer son amour pour Mrs. Bold, et ensuite à reconnaître qu'il éprouvait un sentiment passionné pour elle-même. Le malheureux, sachant à peine ce qu'il disait et ce qu'il faisait, ne savait pas non plus s'il était dans le ciel ou dans l'enfer. Il connaissait si peu le genre de séduction propre aux femmes de cette espèce qu'il éprouva comme un délire momentané quand il fut, pour la première fois, soumis à son pouvoir. Il eut la tête prise plutôt que le cœur, et il chancelait dans ses idées comme un homme ivre sur ses jambes. Tandis qu'il était sous le charme de la sirène, M. Arabin se conduisait tout autrement que M. Slope. La signora avait dit justement que ces deux hommes étaient le contraire l'un de l'autre, que l'un était fait pour l'action, l'autre pour la pensée. M. Slope, soumis à l'action toute-puissante des charmes de la dame, avait essayé immédiatement d'obtenir d'elle quelque chose, de triompher de ses résistances. Il avait commencé par lui prendre la main, puis la lui avait baisée. Il avait protesté de son amour et lui avait demandé semblable serment. Il avait promis un dévouement éternel, s'était agenouillé et avait juré que si elle avait été sur le mont Ida, Junon n'aurait pas eu de raison pour haïr le fils de Vénus. Mais M. Arabin ne fit pas de sermon, tint ses mains dans les poches de son pantalon et ne pensa pas plus à embrasser Mme Neroni que la comtesse de Courcy. En voyant entrer Mrs. Bold, M. Arabin rougit et se leva. Puis il se rassit et se leva de nouveau. La signora vit sa rougeur et sourit, mais Charlotte était trop bouleversée pour rien voir. « Madeleine, dit Charlotte, j'ai à vous parler en particulier. Nous devons prendre nos arrangements au sujet de la voiture. » Et elle se pencha vers sa sœur. M. Arabin se retira à quelque distance, et comme Charlotte en avait long à raconter, il lui entrait en conversation avec Mrs. Bold. « La réunion a été très gaie, » dit-il du ton avec lequel il aurait dit que le soleil était brillant ou que la pluie tombait à verse. « Très gaie, » dit Eleanor, qui n'avait jamais passé de journée plus désagréable. « J'espère que M. Harding a eu du plaisir. »« Oui, beaucoup. » Eleanor n'avait pas vu son père depuis l'arrivée à Yulathorne. « Il retourne à Barchester, je suppose ?»« Oui, je le crois. » »« C'est-à-dire, il retourne à Plumstead. C'est de là qu'il est venu ce matin. » « Je pense qu'il y retourne, mais il ne l'a pas dit positivement. »« J'espère que Mrs. Grantly est bien. »« Elle semble être très bien. Elle est ici, à moins que toutefois elle ne soit partie. »« Oui, je lui ai parlé. Elle paraissait bien. » Puis il y eut un long silence. Charlotte n'avait pu encore faire comprendre à sa sœur pourquoi il fallait qu'elle retournât précipitamment à Barchester sans son frère. « Retournez-vous à Plumstead, Mrs. Bold ?» M. Arabin fit cette question par manière de conversation, mais il s'aperçut sur le champ qu'il s'aventurait sur un terrain dangereux. « Non, » dit vivement Mrs. Bold, « je vais chez moi, à Barchester. »« Oh, ah oui, j'avais oublié que vous étiez parti. » Puis M. Arabin, ne trouvant plus rien à dire, demeura silencieux jusqu'à ce que Charlotte eût fini d'exposer son plan, tandis que Mrs. Bold, également silencieuse, semblait être occupée à ranger ses bagues. Madeleine Neroni accepta la proposition de sa sœur, et les deux dames partirent à la recherche de Bertie.